Un jour que j'étais sorti l'après-midi et que je l'avais averti que je serais dehors plus longtemps qu'à l'ordinaire, je fus étonné qu'à mon retour, on me fit attendre 2 ou 3 minutes à la porte. Voyant sortir peu après de chez elle, M. de B, le fermier général, il suppose avoir deviné les libéralités d'un nouvel amant. Mais il me paraissait si impossible que Manon m'eût trahi que je craignais de lui faire injure à la soupçonnant. Je l'adorais, cela était sûr. Pourquoi l'aurais-je accusée d'être moins sincère et moins constante que moi? Quelle raison aurait-elle eu de me tromper? Je ne connaissais pas mieux mon cœur que le sien. À la fin, je crus avoir trouvé le dénouement de ce mystère. « Monsieur de B, dis-je en moi-même, est un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations. Les parents de Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent. Elle en a peut-être déjà reçu de lui. Il est venu aujourd'hui lui en apporter encore. Elle s'est fait sans doute un jeu de me le cacher pour me surprendre agréablement. Peut-être m'en aurait-elle parlé si j'étais rentré à l'ordinaire au lieu de venir ici m'affliger. Elle ne me le cachera pas du moins lorsque je lui en parlerai moi-même. » Mais, évitant des explications au souper, Manon éclate en sanglots. À ce moment, on vient frapper à leur porte. À peine avais-je ouvert que je me vis saisir par 3 hommes que je reconnus pour les laquais de mon père. Mon frère aîné m'attendait en bas dans un carrosse. J'étais trahi cruellement, mais par qui? Tiberge fut le premier qui me vint à l'esprit. Accuser Manon, c'est de quoi mon cœur n'osait se rendre coupable. J'avais la crédulité de m'imaginer qu'elle était encore plus à plaindre que moi.